injection verbale. Marseille, on est sous. Yeah. Je résume mon histoire, je suis devenu un gangster des trottoirs. Parce qu'au mec en costard, j'ai toujours préféré les costauds ecto. J'ai voulu m'exiler de cette ville sans dépotoir. Ça tourne au cauchemar, trop de fois je me retrouve au dépôt le soir. Et le placard, ça cause tôt ou tard des séquelles. Cloîtré dans ma cellule, je compte même plus les jours qui s'écoulent. Non, ici faut être fort, je sais comment ça se déroule. Je regarde des souvenirs que maintenant encore je refoule. C'est fou comment tout d'un coup, les mauvaises choses se déploient. Tout ça parce que comme beaucoup, j'en avais rien à foutre des lois. Je suis juste ce jeune perdu dans ce monde de youvoie. Je refuse le parloir à ma mère là-bas, je veux pas qu'elle me voie. Malheureusement, quand je sors, l'espoir cède face à la pression. Peu élevé sont les chances qu'on t'aide lors de ta réinsertion. Sur cet itinéraire, j'ai pas choisi la bonne direction. Le moindre faux pas me refait tomber direct en prison. Au fond de moi, je regrette, la vie m'a tendu un piège. La nostalgie me prend quand je repense à mon casier vierge. Mais bon, je suis dans la rue, je passe pas mon temps à me lamenter. Je sais que le temps me tue, mais c'est trop tard que j'ai vu la lame entrer. Dans ma banlieue, on se différencie itinéraire. Trop de fois, j'ai peur pour mes frères, les voir s'en sortir est rare. Ça met les nerfs comme dans ce nouveau millénaire, la routine ne s'améliore guère, bien au contraire, elle dégénère. Dans ma banlieue, souvent je râle père pour mes congénères, à cause de cette atmosphère de merde que c'est congénère. Si tu vis dans la rue, passe pas ton temps à te lamenter, parce que sinon le temps te tue et c'est trop tard, tu vois la lame entrer. Sur l'arc de la vie, faut pas tomber de la branche shootée. Élevé dans la banlieue, j'ai bien vite vu que les grands shootés, qu'ils avaient l'air de kiffer, de rigoler, c'est ce qui fait qu'un jour je m'y suis mis en cachette, isolé pour pas me faire coller, car tu sais la drogue. Je croyais que j'allais pouvoir contrôler, mais de là à la morgue, il n'y a qu'un pas que j'ai frôlé. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, y'avait que ça pour me consoler. Après le vidolatis, c'est vrai que je me suis mis à consommer coke extra. Toujours violent, impasse de quoi, qu'est-ce t'as. Je te jure qu'il y a des soirs où je me prenais pour une guest star. Mais tout sachez que c'est faux, il faut que j'ouvre les yeux, que j'arrête de faire le fou. Dans mon coma, je me suis vu rejoignant les cieux. J'aimerais tant découvrir le sens du mot espoir. Entrevoir la lueur du tunnel à la place de squatter les squares. Et remporte l'héros sans peur pour une nouvelle dose. Enterrant chaque heure un peu plus mon cerveau jusqu'à l'overdose. C'est trop pour elle, je saute l'air pas. Je flirte avec le trépas et je reste pas sur place. Même ma Mifa ne me reconnaît pas. Et sans surprise, je ne suis devenu que l'ombre de moi-même. Sous son emprise, j'ai tout perdu, j'ai plus qu'à prier, amen. Dans ma banlieue, on se différencie itinéraire. Trop de fois, j'ai peur pour mes frères, les voir s'en sortir est rare. Ça met les nerfs comme dans ce nouveau millénaire. La routine ne s'améliore guère, bien au contraire, elle dégénère. Dans ma banlieue, souvent je râle père pour mes congénères. À cause de cette atmosphère de merde que c'est congénère. Si tu vis dans la rue, passe pas ton temps à te lamenter. Parce que sinon le temps te tue et c'est trop tard, tu vois la lame entrer. Petit, je rêvais de faire carrière un peu à la Ronaldo. J'ai commencé les conneries par des vols d'autoradio. T'aurais pu me trouver là, même dans la poche de ton sac à dos. La justice m'a taclé par derrière, sans prendre de carton. 9 mois ferme, j'ai dit bye bye au centre de formation. En sortant, j'ai préféré dealer, aller au charbon. J'ai commencé à gratter le papier au fond de ma cellule. Je me souviens de mon premier concert en plein air sous le déluge. Au début, c'était cool, j'étais la fierté de mon quartier. A chaque fois que je lâchais un cesse, tous les poteaux me baquaient. Jusqu'au jour où j'ai signé là, les choses ont changé. J'ai comme l'impression que certains préfèrent me voir sembler. Les rumeurs et les ragots fusent car mes oreilles sifflent. Pourtant je flambe pas, j'essaie de garder ma modestie. C'est le revers de la médaille quand tu t'en sors dans la zone. Alors que ceux qui parlent n'ont même pas acheté mon album. Dans ma banlieue, on se différencie itinéraire. Trop de fois j'ai peur pour mes frères, les voir s'en sortir est rare. Ça met les nerfs comme dans ce nouveau millénaire. La routine ne s'améliore guère, bien au contraire elle dégénère. Dans ma banlieue, souvent je râle père pour mes congénères. À cause de cette atmosphère de merde que c'est congénère. Si tu vis dans la rue, passe pas ton temps à te lamenter. Parce que sinon t'en tues et c'est trop tard. Tu vois la lame entrer. Dans ma banlieue, on se différencie itinéraire. Trop de fois j'ai peur pour mes frères, les voir s'en sortir est rare. Ça met les nerfs comme dans ce nouveau millénaire. La routine ne s'améliore guère, bien au contraire elle dégénère. Dans ma banlieue, souvent je râle père pour mes congénères. À cause de cette atmosphère de merde que c'est congénère. Si tu vis dans la rue, passe pas ton temps à te lamenter. Parce que sinon le temps tue et c'est trop tard. Tu vois la lame entrer.